pensais pas que l'amour pouvait être un combat. À la base, je voulais juste lui rendre un hommage. Je suis tiraillé comme mon grand-père, ils le savent, c'est dommage. Jolie Marianne, Marianne, je préfère ne rien voir comme Amadou et Marianne. Je t'invite à manger un bon mafé chez ma tata. Je sais qu'un jour tu me déclareras ta flamme. Aïe aïe aïe, je suis français. Chez moi, je suis chez moi, chez moi, chez moi, chez moi, je suis chez moi, chez moi, chez moi, je suis chez moi, chez moi, chez moi, je suis français, chez moi, chez moi. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée, chez moi, chez moi. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop foncé, chez moi, chez moi. Laisse-moi juste l'inviter à danser, chez moi, je vais l'ambiancer. Je suis français. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Non, peut-être parce qu'ils me trouvent trop foncé. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Je suis noir, je suis beurre, je suis jaune, je suis blanc. Je suis un être humain comme toi. Je suis chez moi, fier d'être français d'origine guinéenne. Fier d'être le fils de Monsieur Diallo. Éternellement insatisfait. À suivre. La fille au bois de Audrey, hey yeah. Sur Fun Radio, oh. La fille au bois de Audrey. 17h-20h, Happy Hour. Et qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Eh ben, c'est la rentrée des classes. Ouais. Ah bah ouais. Alors, comment ça s'est passé de l'autre côté de la radio? Là, la petite rentrée des classes, c'était peut-être la première pour vos petits bouts, hein. 30-44, vous m'envoyez vos petits messages. Je suis sûre qu'il y a dû y avoir, chaque année, il y a toujours au moins une maman qui pleure. Non mais toutes les mamans pleurent chaque année. C'est la base de la base. Il y a toute l'équipe qui est là pour la P.O.R. Il y a Fab, présent. Il y a Alison au standard, présent. Et puis le Sandro aussi. Hey, bonjour, t'as raison, ma mère a pleuré ce matin. Pour ta rentrée des classes? Bah oui, elle a pleuré, ça m'a touché vraiment. Merci maman d'avoir mais est-ce pleuré. Que tu as déjà été une fois dans ta vie à l'école, c'est ça la question? Oui, une fois seulement. Une fois, c'est ça. C'était ouais. Ce matin. Le premier jour. Voilà. Il a fait comme dans la salle de sport, il s'est inscrit puis il n'a plus jamais été. Exactement. Non, mais hey, sérieusement, blague à part, bon courage à tous ceux qui sont peut-être sur la route du retour. Là, c'était la première journée d'école. Normalement, la première journée, ils sont sympas, ils mettent pas encore de devoirs. Ça dépend. Non, bah non, hein, et oh, faut pas y déconner. Moi, ça m'est arrivé, premier jour, bam, devoir, truc. C'est une vanne. Non, je te jure. Oh non, c'est pas cool, sérieusement. Dites-moi comment ça s'est passé là, l'école aujourd'hui. 30-44 pour vos messages. On aura plein de trucs dans l'émission aujourd'hui. Du cadeau, justement, pour repartir avec des fournitures scolaires. Si vous avez encore des trucs qui vous manquent, là, allez-y, hein, vous vous inscrivez maintenant. Vous envoyez Happy par SMS au 6322 et nous, on échange. On vous file des bons d'une valeur de 150€ direction Buror. C'est à Philippeville. De quoi bien remplir le cartable si vous manque encore 2-3 trucs. Tirage au sort dans quelques petites minutes. Ce sera après les infos. Fun Radio. Fun. Parfait pour les étudiants. Un PC portable qui se transforme facilement en tablette. Un portable avec clavier pour les cours. Une tablette avec écran tactile pour le cote. Chez Vandenborg. C'est le son d'Alex Jermis qui arrive dans un instant côté son dancefloor. On va se faire aussi Dua Lipa, il y aura du Axwell et une grosse sauce. Ça arrive après les infos et c'est avec Carlo. Bonjour Carlo. Hello Audrey, salut à tous. Nous sommes donc le 1er septembre, hein, sans doute le jour de l'année. Effectivement, on verse le plus de larmes, celle des mamans et aussi celle de tous ces enfants qui découvrent l'école et ne comprennent pas pourquoi leur mère adorée les abandonne entre les mains d'un ou d'une inconnue. Sans douter qu'à partir de ce moment-là et jusqu'à la pension, plus de 60 ans plus tard, la vie ne sera plus constituée que de contraintes. Hein. Ouais, j'aime un petit peu le blues pour le moment, mais en général, je suis d'un naturel plutôt optimiste. Bref, j'espère que cette rentrée s'est bien passée pour tout le monde et que l'année scolaire vous apportera pas mal de satisfaction. Je ne parlerai plus ici du problème des Pokémon dans les cours de récré, mais Pikachu et ses potes inquiètent aussi le ministre de la Mobilité, François Bello, qui vient d'écrire à Niantic, la boîte qui a conçu le jeu à la mode du moment, pour lui demander de supprimer les Pokémon, Pokéstop, Pokégym, tout ça des aéroports belges, vu qu'on a repéré dans des zones hautement protégées de ces aéroports des gens qui n'avaient strictement rien à y faire. Et pour le ministre, faut pas déconner avec la sécurité, évidemment, des actions protectrices sont donc nécessaires pour éviter des incidents ou pire, des accidents. Tout est bon pour faire des économies, y compris la délation, un vilain mot a priori, mais qui peut s'apparenter à du civisme dans certains cas. Ainsi, l'INAMI et les différentes mutuelles du pays sont en train de plancher sur la création d'un point de contact pour permettre aux citoyens de signaler les fraudes des médecins et des dépenses médicales inutiles. On pense par exemple à l'obligation de prendre une chambre individuelle lors d'une hospitalisation, au paiement de soins au noir ou alors aux analyses inutiles en labo, des choses comme ça. Selon plusieurs médias flamands, ça permettrait d'économiser 25 millions d'euros chaque année, quand même. Un système qui existe déjà aux Pays-Bas et qui, paraît-il, y fonctionne très bien. Enfin, ça chauffe au Gabon, petit pays d'Afrique centrale peuplé de moins de 2 millions d'habitants, mais riche en pétrole. Et ça chauffe parce qu'une partie de la population n'a pas du tout apprécié la réélection à la présidence d'Ali Bongo, au pouvoir depuis 2009, et qui a succédé à son père Omar, qui lui était resté pendant plus de 40 ans à la tête du pays, en fait jusqu'à sa mort. En gros donc, le Gabon est une république qui fonctionne comme une monarchie héréditaire, et certains en ont marre. L'annonce de la victoire de Bongo a déclenché des émeutes à Libreville, la capitale. L'Assemblée nationale a été incendiée par des manifestants. Et pendant la nuit, le quartier général de Jean-Ping, adversaire malheureux d'Ali Bongo, a été pris d'assaut par les forces de sécurité du régime. Jean-Ping a annoncé que 2 personnes étaient mortes et plusieurs autres blessées. D'après le chef de la police nationale, 200 pillards ont été arrêtés. Quant à Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, il a lancé un appel au calme. Hein. On ne sait jamais des fois qu'ils sont entendus. Fun. Fun Radio. Les Woofies reviennent chez Shoe Discount. Ces chaussures de qualité pour les enfants, approuvées par les podologues. Achetez-les et recevez un poncho de pluie gratuit. Ça, c'est bon à savoir. On fait des coucous à Samuel, à Guillaume, à Cédric, à Lisée, à Ariane, Delphine. Je vois tout au petit message qui arrive là au 3044. On va tous les lire. C'est promis, on se fait ça après le son d'Alex Jermy. C'est le programme de la météo. Carlo, est-ce qu'il va faire beau? Ouais. Cool, mais genre ouais. Non, avec du soleil carrément. Truc de fou. Ah, carrément. Malade, truc de malade. Et alors, j'ai regardé la semaine prochaine jusqu'à au moins jeudi prochain, 26 degrés. Waouh, et ça c'est beau ça, Carlo. Tu reviens quand tu veux avec des nouvelles pareilles. Je reviens dans une heure. Et bah parfait, le rendez-vous est pris. Avec Alex Jermis maintenant. Fun. Fun Radio, la vie hour, 17h-20h sur Fun Radio. So far. 1er septembre à l'écoute de Fun Radio là, avec le son de Dua Lipa qui arrive. Il y aura aussi Axwell et Ingrosso comme promis. Et bah ouais, jeudi 1er septembre. Ça fait mal, hein, sérieux. Ah ouais. La rentrée des classes, tout ça, tout ça. Je vous ai demandé de me dire par message au 3044 comment ça s'était passé. Alors il y a Samuel de Marcinelle qui me dit: eh bien non, Fab, toutes les mamans, ne pleurent pas. J'ai réussi à retenir mes larmes. La rentrée s'est bien passée, mais le cœur serré. Pas. Ah oui, mais moi, je suis sûre que toutes les mamans, au fond, je suis sûre, après, elles pleurent dans leur voiture. C'est ouais, genre toute seule. Elle, c'est parce qu'elle a pas de cœur, quoi, ou qu'elle aime pas ses enfants, mais sinon, les mamans, elles pleurent. C'est énorme. Bah, la mère. Bon débarras, yes, ouais. Enfin. Non, mais hey, t'en as qui sont contentes aussi, hein, ça leur fait des journées plus cool aussi, hein, faut pas déconner. Il y a Guillaume de Wii qui nous dit: eh ben moi, j'étais au parc d'attractions, c'était la meilleure rentrée de ma vie. Bah, tu m'étonnes. À un moment donné, il va quand même falloir retourner à l'école, hein, monsieur. Bon, par contre, on a une maman qui a pleuré ce matin. Elle m'a envoyé un petit message sur ma page Audrey sur Facebook. C'est Sophie qui vient de Bruxelles. Bah, alors, Sophie, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, mais ça m'a brisé le cœur. Oh là là là là. Mais Soso, c'est pas grave, hein. C'est... Et tu sais, tu le récupères après, hein. C'est pas que tu l'abandonnes, hein. Enfin, ça dépend. Mais bon, hein. La petite, elle me regardait avec des yeux remplis de larmes et elle croyait que je l'abandonnais aussi. Oh, mère indigne. Elle a quel âge? C'est une petite fille ou un petit garçon? C'est une petite fille, elle a 3 ans. Oh, attends, 3 ans, ça rentre en quelle année ça? En première humanité, si t'es vachement intelligent. Première maternelle. Non, mais excusez-moi, j'ai pas d'enfant. Tu vois, il faut le temps. Ouais, mais me... ça va. Donc, elle va faire de la plasticine, des siestes et des trucs. Elle va vite tout. Mais ça, c'est la classe quand t'es en maternelle. Hein. Tu fous rien. Qu'est-ce que ça me manque, moi, ça. Et vous faisiez aussi le. Comment ça s'appelle? Il fallait faire du pointillage, ou comment on appelait ça? Nous, on était pour maternelle. Mais non, tout le monde faisait ça, la maternelle. Comment c'était? Du pointage, ça, c'est les chômeurs. Pointillage. Du pointillage. Tu sais, on avait un petit picot et tu devais suivre la ligne. Le poinçonnage, non? Ouais, non, c'est pas si, ça. C'était les poinçons. Non. Ouais, c'est ça, avec un petit mousse en dessous que tu mets. Ouais, mais c'est pas ça. Ah ouais, à Charleroi, ils donnent des trucs pointus à des enfants. Non. Mais c'était pas du poinçonnage, ça s'appelle pas comme ça. Est-ce que quelqu'un a fait ça de l'autre côté de la radio quand il était psy? Viens, Marie Scousse, parce que je me sens seule là. 3044 pour m'envoyer un message. Comment ça s'appelait ce truc? Ça m'énerve. Je sais pas. T'avais un picot et tu devais suivre la ligne, il y avait un dessin et après. On a reçu un message du petit Wang, lui il a fait ça. De fait, dans ton tour, quand tu avais été Nike, tous les matins. De fait l'emblème. Bah, ça porte un nom, mais j'arrive plus à me souvenir. Y a bien quelqu'un qui va venir me rappeler tout ça. Bon, hey, Soso, t'es paré là pour le deuxième jour. Demain, ça va aller, tu vas pas pleurer quand même. Ah non, mais je pense que ça va être difficile quand même. Hein. Ça change rien en fait que. Voilà, je laisse mon petit bébé comme ça. Non, là, là, là, là, là. Je l'ai pas mis à la crèche en plus. Donc, Oh là là. Ça va aller, Soso, t'inquiète. Ton petit bébé devient grand. Et ça, elle va repleurer en direct à l'antenne. C'est genre si je dis des trucs comme ça. Sophie? Oui. T'as pas oublié de récupérer ton enfant? Non, il est avec moi maintenant. Ah, ça va, rassure. Tu sais que ça arrive souvent, ça, d'oublier son gosse ouais, le premier jour. Non, non, ça n'arrive qu'à toi, c'est parce que ta mère voulait essayer de se débarrasser de toi, mais ça n'a pas marché. Soso, je te fais des gros bisous et bon courage pour demain quand même. Bisous, ça va aller, hein. Bisous, Sophie. Courage à toutes les mamans qui sont dans la même situation. Oh là là, on dirait que c'est le drame. Ne pleure pas, fond, Sophie, ouais. Ça va aller, quoi. Allez, je te fais des gros bisous et à ta petite fille aussi. Je sais, les copains, ça y est, comment ça s'appelait le truc qu'on faisait quand on était petits, heureusement. Les auditeurs sont venus à la rescousse. Ça s'appelait du picotage, pas du poinçonnage. Picotage. Ok, d'accord. Le picotage. Et en fait, t'avais un mousse, t'avais un carton, et alors il y avait des petits points, tu devais picoter, et après tu reliais les points. Mais oui, et tu retirais le. Tu as une chouette enfance, toi, dis donc. Bon, allez, attends. C'était quoi votre truc préféré à l'école, Fab, ton cours préféré? Aucun. C'est bien ce qui me semblait. Allez, dites-moi, vous, au 3044 par message, c'était quoi votre cours préféré à l'école? Every time I knock, he can help but let me in. Must be homesick for the real. All the realest it gets. He probably still adore me with my hands around your neck. Can you feel the warmth? Yeah. As my kiss goes down, you like some sweet alcohol. Where I'm coming from? Yeah. It's the darker side of me that makes you feel so numb. Cause I like hell to burn when I'm not. Then you're by yourself. Am I the answer to your prayers? I'll give you the pleasure heaven. I'll give it to you hotter than hell. You're my manna from heaven. We all gotta get fed. Can't let me know I'm wanted. Can't let me in your head. I'm not here to make a deal, but it's praise that I get.

Bah c'est ça qui m'angoisse, cette sonnerie d'école là. Arrêtez vos conneries maintenant. Tu sais ce que j'ai fait moi ce matin? Non. Je me suis levé, je me suis mis dans la rue et j'ai regardé tous les enfants qui allaient à l'école en leur faisant des signes. Au revoir. À jamais. Moi je vais aller me coucher après. Qu'est-ce que ça me manque pas du tout quoi. Sans oh là là là là là là, le réveil qui sonne à 7h du matin. Oh, ta maman qui te crie dessus parce que tu te réveilles pas du premier coup. Tu vas être en retard, tu vas être en retard. L'angoisse, mon Dieu, qu'est-ce que ça me manque pas. On a Ludovic qui est là, qui vient de Châtelet, qui va participer à l'émission. Ça va, Ludo? Ça va, ça va, Audrey, bonjour l'équipe. Bon, salut. Hey. Ludo, t'as pas été à l'école, oui, toi, aujourd'hui, rassure-moi, t'as fini avec une grosse voix pareille. Ouais, je te rassure, j'ai fini, j'ai mis mes petits enfants à l'école ce matin. Oh, et ça a été? Ouais, ça a été plus ou moins, ouais. Hey, Ludovic, t'étais du genre quoi, toi, comme élève? T'étais plutôt gentil ou t'as fait des conneries? J'ai toujours à faire des petites conneries. Ouais, t'as déjà fait quoi comme conneries à l'école? Oh, ben, j'amusais à aller boucher les urinoirs avec du papier WC. Ça, c'était ça, c'est chiant, ça. Non, mais vous, les mecs, vous faisiez toujours ça dans nos toilettes à nous, les filles. Ça puait après. Quoi, ça? On n'allait pas dans vos toilettes. Bah, si, juste pour boucher les toilettes. Eh, Ludo, je suis sûr que toi aussi, t'as été boucher les toilettes des filles. Ouais, certainement. Ah, tu vois? Voilà. C'est dégueulasse. Ouais, ouais, ouais. Mais dans l'école, vous n'avez pas les garçons ou les filles qui prenaient des boules papier? Qu'il les mouillait et puis qu'il les lançait au plafond. Ah, c'est dégueulasse ça. Ça c'était garçon et fille ça. Ouais, ça c'était les deux. Mais c'est quand même un peu crade comme et bazar. Et tu les mouillais avec quoi? Non, je te vois venir de loin. Eh, hey, Ludo, on m'a dit que tu t'étais aussi cassé les dents dans la cour de récré. C'est quoi cette histoire? Ouais. Bon, en fait, si vous voulez, chaque vidéo, j'en ai rendez-vous donc pour aller jouer au foot dans la cour. Donc avec d'autres classes et d'autres élèves. Et si vous voulez, il y a un style de petits rebords qui délimitait le terrain de foot. Et ces petits rebords, c'était une pierre bleue, en fait. Donc, en jouant au football, eh bien, donc mon adversaire me pousse un petit peu, je perds l'équilibre et je vais me péter le coin de la mâchoire contre la pierre bleue. Et tu t'es retrouvé sans dents? Mais... Oui, je parle comme ça, non. J'en ai eu 2-3 dans les mains, oui. J'imagine tes parents qui t'ont récupéré, genre, mais what? Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Ah, bah oui, mais j'étais un peu difforme, quoi, on va dire. Mais, et du coup, t'as mis de la glu ou pas? Bah non, t'imagines. Je vais me gaver avec la petite souris. Ouais, t'as eu de la thune au moins avec la souris? Ils t'ont bien gâté? Mais ils m'ont donné de la glace. Tu t'es farnaqué. Ouais, tu t'es farnaqué, fieu. Mais ça veut rien d'autre manger. Et oui, c'est ça. Bon, bah, mon Ludo. C'était pas évident. Énorme, hein. Franchement, je crois que c'est la pire gaffe qu'on aura aujourd'hui, hein. Je te fais des bisous, mon Ludo. Et fais gaffe où tu marches, où tu vas, hein, d'accord? Ouais, Ludo. Pas y'a plus de problème. Je te fais des gros bisous. À vous, l'équipe. Tu reviens quand tu veux sur Fun Radio. Bon, et est-ce que dans l'équipe, vous étiez du genre aussi à faire des conneries? Fab, qu'est-ce que t'as déjà fait comme bêtise? Toi, t'as dû faire des trucs. T'es sûr que tu veux le savoir? Bah, je sais pas, non. Si tu dis ça comme ça, c'est que ça pue. Un jour, j'ai fait caca dans le sac de gym de quelqu'un que j'aimais pas. Non, tu vois l'image de Fab. Je l'aimais pas et donc avant son cours de gym, j'ai pris son sac et puis je dis je vais aux toilettes et j'ai fait ce que non, je devais faire. Non, c'est pas une vraie histoire. Ah si. T'as vraiment chié dans un sac de gym. Oui, d'ailleurs, mais si tu nous entends, mais. Comment elle s'appelle la personne? Vas-y, balance. Non, je peux. Allez, vas-y, balance. Philippe. On fait des gros bisous à Philippe. Oh mon Dieu, mais c'est énorme, Fab. Comment t'es capable de faire ça, Sandro? T'as déjà fait des conneries aussi? Ouais, c'était en primaire. Si tu me dis que t'as chié ailleurs, je te jure, je quitte l'émission. Hein. J'ai chié dans les chaussures de quelqu'un. Non, j'ai pris quelqu'un et je l'ai foutu dans la. Tu vois les grandes poubelles bleues? Oh ouais. Et j'ai mis la tête dedans. Et le gars était dans la. D'accord. La tête dans la poubelle. Mais en fait, je suis avec des wesh dans l'équipe. Vous faites peur, les gars. Vous aussi, vous étiez du genre wesh de l'autre côté de la radio. C'est quoi la pire connerie que vous avez fait là à l'école? Allez-y, on va se marrer un peu parce qu'il y a tout le monde qui parle que l'école c'est chouette. On va parler de la rentrée. On s'en fout. On veut savoir les conneries que vous avez fait à l'école. 3044 pour vos petits messages. On va se faire le nouveau de Chainsmokers dans un instant avec Closer sur Fun. Mais avant ça, c'est parti. C'est Jonas Blue qui débarque maintenant dans la PY. Accrochez-vous. Oui, dans la radio. Salut, c'est Bruno. On fait l'appel. Christina présente. Karina, Mika et Anto du JPI. Présent. Rachet présent, frère. Meryl. Nicolas du web. On est là. Fonf, je suis là aussi. Salut, c'est Louzman. Elliot. Et ouais, je suis là. Réveillez-vous avec l'appel de Vaché, le JPI, le choc des générations, le paiement de vos factures et du son dance floor. Depuis le 29 août, Bruno dans la radio, 6h-9h sur Fun Radio.

Chainsmokers sur Fun Radio. Le son Dance Floor continue avec il y aura du Milo, tiens, voilà, c'est ce que je vous propose pour la suite. Il y aura aussi du Jennifer Lopez and Your Mama. Je peux vous dire, les gars, que là on tient notre champion du monde de la connerie de l'école. Oh là là là. Quoi? Là là là là, j'ai vu un SMS arriver au 3044, mais c'est énorme. Je vous demandais de me dire si vous aviez déjà fait des conneries à l'école. Dans l'équipe, déjà, on est plutôt pas mal. On est bien là. Entre Sandro qui met ses petits copains dans la poubelle, Fab qui chie dans un sac de gym de quelqu'un qui l'aime pas. Je pensais pas qu'on pouvait faire mieux et pourtant, attention, je vous lis le message qu'on a reçu au 3044, ladies and gentlemen, accrochez-vous bien. En cours de science, j'ai lancé les oiseaux empaillés du prof par la fenêtre pour les faire voler une dernière fois. Bravo. Bravo. Ah ouais, non mais ça c'est... Ouais. Et j'aime bien, il termine son message par « Le prof n'a pas aimé ». Non, bon allez, petit oiseau, si tu n'as pas d'aile, tu sais pas, allez. Ah bah oui, tu m'étonnes. Bon, en parlant de l'école, là, on a des fournitures scolaires à vous filer grâce à Buroir. C'est un magasin situé à Philippeville. On vous file plein de bons de 150 euros. Si vous manque encore des trucs, là, parce que je sais bien, là, je pense à vos parents qui ont reçu la liste des choses encore à compléter. Les cahiers qu'il va falloir recouvrir, il va falloir encore tout un tas de trucs. Et ben justement, ça tombe bien, on a des bons de 150 euros à vous filer, de quoi bien remplir le cartable et de finaliser tout ce brol. Donc si ça vous dit, allez-y, vous vous inscrivez maintenant, vous envoyez Happy par SMS au 6322 et on se fera un petit tirage au sort, c'est promis, avant la fin de l'émission. La suite maintenant, c'est avec Milo que ça se passe. On fait des gros bisous aussi à Dominique, à Stéphane, à Véronique et à Fred qui sont là. On va tous lire vos messages juste après. Avec Fun Radio, passez une rentrée des classes de ouf avec votre MacBook Air d'Apple. Bonjour Christelle. Bonjour Christelle, t'as entendu le double oui, fun? J'ai entendu le double fun. Ouais, bah écoute, j'ai une surprise pour toi. Oui. Double fun. Turbo fun. Christelle, c'est gagnant. Turbo fun. Soyez le premier à envoyer Apple par SMS au 6322. Un euro message et gagnez l'ordinateur portable ultra fin d'Apple, le MacBook Air 13 pouces. Ah là là, vous me faites trop plaisir, je vous adore trop trop trop. La rentrée la plus high-tech, ça se gagne uniquement sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Pour bien commencer la saison de sport, vous trouverez tout ce qu'il vous faut chez Decathlon et sur decathlon.be. Maman, cette année, j'ai envie de faire autre chose. Ah, et qu'est-ce que tu veux faire, ma chérie? Gymnastique, danse, natation, équitation? Non, du rugby. Pour eux et pour tous les autres sportifs, maintenant le sport est plus facile. Decathlon, à fond la forme. La saison des festivals touche à sa fin. C'est pourquoi Jupiler présente le Festival National. Le clôture vraiment l'été, c'est 16 et 17 septembre, avec de la musique live dans 600 cafés Jupiler. Découvrez les cafés participants sur jupiler.be. Une bière se déguste avec sagesse. Comment bien manger quand une partie de votre budget est déjà passée dans la rentrée des classes? En profitant de la promo Deleuze sur les blancs de poulet, les enfants en raffolent. Jusqu'à mercredi chez Deleuze, à l'achat d'un ravier de 900 grammes, le second est gratuit. Deleuze, bien acheté, bien mangé. Si Rémi avait fait appel à l'Happy Hour, il lui aurait sûrement trouvé une famille. En cas de problème, un seul numéro, celui de l'Happy Hour avec Audrey. 17h-20h sur Fun Radio. Where did the summer go? I found it in Monaco. Dancing in Mexico, sushi in Tokyo. I wanna be where you are, driving a classic car. Cuba is not so far, I can bring my guitar. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Ah-hoo. Howling at the moon. Ah-hoo. Howling at the moon. Where is the summertime? Take me back to Hawaii. Skyscrapers in Dubai, palaces in Versailles. So won't you fly with me? Have dinner in Sicily. Be who you wanna be, right where you wanna be. quite there yet. Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there. But until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there. But until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there. But until we get there, we'll be howling at the moon. Ah-ooh. Howling at the moon. Ah-ooh. Howling at the moon. Howling at the moon. Attention. Ah, ouh. Oh, vous l'avez coupé. Et ouais. Ce moment de solitude. Oh non, je voulais faire la fin de la musique. Bah, oh, bah non, moi je m'en fous, moi je fais grève, rien à foutre. Non, bah, animez-vous-même, c'est bon, c'est fini. Le quoi? Mais il n'y a pas de ahou non. Mais si, à la fin de Milo, il fait ahou. Allez, vas-y, fais-le un petit ahou. Je sais pas le retrouver sans je vais le remettre, mais je suis pas sûr qu'il y a un ahou. Ah si, si, si, à la fin. Vas-y, mais pas toute la chanson par contre. Ouais, c'est bon, attention. Vous allez voir, il fait ahou à la fin. Je crois pas trop. Je me sens un peu seule là. Attendez. Non, mais il faut. J'espère qu'il le fait. Attendez, hein. Damien. Attends, attends, chut, écoute là, c'est là. Non. Vous êtes combien dans ta voilà, tête? C'est pas voilà. Grave. Ça vous arrive pas des fois de faire des. De chanter des chansons où vous faites les paroles et puis vous vous trompez? Non, c'est non. De toi qu'on parle. Vous êtes combien dans ta tête? C'est pas grave, je me sens un petit peu seule. Jennifer Lopez, hein, va arriver côté son Netflix avant. Mais t'inquiète. Ne foutez-moi la paix, ça non, va. Non, mais elle fait aussi un ou elle vient avec une autre chanson, elle. Vous allez bien vous calmer, bande de gros malins. On a Lara qui est là. Je vais appeler une fille à la rescousse ici, liégeoise. Bonjour Lara. Bonjour. Bonjour. Ça va Lara? Ouais, ça va bien. Bon, hey, Lara, toi aussi, parfois tu te trompes dans les paroles des chansons, assure-moi. Dis non. Ouais. Ah, voilà. Oh, Lara. Merci, mon Dieu, je ne suis pas seule à faire ça. Bon, Lara, on parle des conneries qu'on a pu faire à l'école. Dans l'équipe, on est au top du top. Et toi, j'ai vu ton petit message arriver au 3044. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu as fait aux auditeurs à l'antenne, s'il te plaît? Alors, en fait, c'était ma dernière année. On était en réto avec mon petite amie à l'époque. On avait envie de faire un truc totalement déjanté et du coup on s'est dit eh ben, pourquoi pas faire un amour dans les toilettes. Quoi? Petite cochonne. Oh là là là là. T'as fait l'amour dans les toilettes de l'école? Ah ouais, comme ça. Oh, t'as pas peur toi? Eh bien on a la vidéo Lara, justement. Et quoi, personne t'a grillé? Y'a personne qui a été te balancer aux éducateurs et tout? Bah franchement. À un moment donné, on a entendu qu'il y avait des gens qui rentraient, etc. Donc on essayait de pas faire de bruit, on était en mode on ne bouge plus. Oh bah ça devait être sympa ça. Ouais, c'est ça. En fait c'était pas l'amour que t'as fait, t'as joué un 2-3 soleil. C'est pareil, c'est bizarre, c'est chelou ton bazar. Bon bah Lara, tu es dans notre top 3 des conneries de l'école, hein. Je pense que tu peux en faire partie là. Et Lara, tu reprends pas les cours bientôt parce que je veux bien être dans ta classe aussi, hein. Si tu veux, il y a des toilettes chez Fun aussi, hein. Arrêtez les gars, on peut pas juste parler 2 minutes avec elle de ça, vous êtes vraiment des gros pervers, c'est pas possible. Ouais, exactement. Bon, Lara, je te laisse partir parce que sinon tu vas te faire agresser ici. Je te fais des gros bisous, tu reviens quand tu veux. Mais pas dans les toilettes par contre. Moi j'ai versé de l'acide sur un étudiant. Non mais ça va pas les gars. Et ça c'est pas des conneries, ça c'est direction la prison. C'est directement. C'est le dépeceur de monstre qui nous écrit. Non. Mais tu sais que moi j'avais un gars dans ma classe, il avait coupé un bout d'oreille à un pote, hein. Parce qu'il mais était enfin... pas, je te jure, il l'avait fait chier, il lui avait coupé un bout d'oreille. Bon, est-ce que quelqu'un d'autre a coupé quelque chose à quelqu'un? 3044 pour vos messages et pendant ce temps là c'est Jennifer Lopez. I'm gonna be cooking all day, I ain't your mama. I'm gonna do your laundry, I ain't your mama. I ain't your mama. Boy, I ain't your mama. When you gon' get your act together, I ain't your mama. No, I ain't your mama, no. I ain't your mama, no. Wake up, arise and shine. Oh, yeah, yeah, yeah. Let's get to work on time. Oh, yeah, yeah, yeah. No more playing video games. Oh, yeah, yeah, yeah. Things are about to change. sur Fun Radio. Dans le genre beau gosse aussi, il est pas mal, hein. Drake avec One Dance que je vous cale. Il y aura aussi Sound of Legends. On va se faire aussi Calvin Harris et Rihanna. On va se faire aussi Beyoncé. On va se faire aussi Lost Frequencies. Je vous fais la prog jusqu'à ça marche. Il y a des gens dans la vie qui font des choses utiles. Oh, merci beaucoup. Et puis il y a lui, Fab. Il s'amuse à faire des tops qui servent à rien. C'est le top 3 sur Fun Radio. Et vous allez voir que Fab, niveau créativité, c'est énorme. Parce qu'il s'est dit, tiens, aujourd'hui, jeudi 1er septembre, je pourrais faire un top 3 sur quoi? Oh, bah sur la rentrée des classes, ça va être bien. Mais et ça va être bien. Colle à l'actualité, moi, madame. Et aujourd'hui, ça, c'est beau. Aujourd'hui, moi, j'ai ouvert mon Facebook. Tu vois, j'avais oublié que c'était la rentrée des classes. Mais avec Facebook, tu peux pas l'oublier. Oh là là. Les photos avec les enfants, avec les cartos de, les cartables de dos, là. Je crois que j'ai dû en voir passer 1 million de gamins avec les cartables devant l'école, avec le demi-sourire et la maman fière à côté. Alors, moi, j'ai envie de dire à tous ces parents qui postent ce genre de photos, n'oubliez pas que quelque part dans le monde, il y a un vieux monsieur tout nu derrière son ordinateur qui les regarde. Vous venez faire des heureux, mesdames. Et après, je me suis imaginé, qu'est-ce que je ferais si j'avais eu un gosse? Moi, si j'ai un gosse le jour de la rentrée des classes, il rentre en première primaire, la date la plus importante. Les choses sérieuses. Moi, je lui ferais des blagues. Et je me suis imaginé un top 3 des phrases à ne surtout pas dire à son enfant le jour de la rentrée scolaire. Numéro 3. Oui. Eh ben écoute, fiston, papa et maman vont peut-être avoir un peu de retard ce soir quand ils viennent te chercher, parce que pendant que toi t'es en cours, nous on va aller à Disneyland. Non, non. Surtout, tu restes devant l'école et tu bouges pas, tu nous attends là. C'est énorme. Numéro 2. Tu vois tous les légumes verts que t'aimes pas et que t'as jamais voulu manger pendant les vacances? Eh ben ils vont te les mettre tous à la cantine. Maintenant il va les bouffer, les 5 frais légumes, le petit chenapan. Numéro 1. Et je pense que la pire que tu peux faire, quand le gamin tu le déposes pour la première fois à l'école, tu le regardes droit dans les yeux, tu lui dis: bon fiston, à l'année prochaine, t'es sage et surtout t'oublie pas de nous écrire. Salut.

We see the stars align. We make the simple moments last for a lifetime. So we'll feel forever, you and me together. Make us feel forever and be real together. No. La Vie Hour, 17h-20h sur Fun Radio. Baby, I like your style. On your ways, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. If you're down, I'll take it slow. Make you lose control. Avec Sound of Legends, je kiffe ce son. Komodo, hey, ça c'est bien pour se mettre dans l'ambiance là. Si vous êtes sur la route, peut-être dans les bouchons d'ailleurs, bon courage, ça va vous mettre la patate. Bon, on a Nathalie qui est là, qui vient de Strain. Bonjour Nathalie, comment ça va? Oui, bonjour, ça va, et vous? Ça va, ça va. Nathalie, il paraît que tu étais un petit chenapan à l'école, t'as fait des conneries aussi toi? Moi non, j'étais une enfant très calme. Ah, une menteuse. Enfant très très calme. Ouais. Bon, et on a reçu des messages aussi par SMS. On me dit, j'ai passé toute une heure de cours avec un ami renfermé dans une armoire. J'ai joué à la à touche-touche. C'est quoi ça? À touche-touche. Bah, touche-touche. Tu te touches et tu cours derrière quoi. Bon, je sais pas si c'est malsain ou si c'est un truc. Non, c'est un vrai jeu. T'as jamais joué à touche-touche dans la cour de création? Bon, c'est moi le loup. Je te cours derrière, je te touche, c'est toi. Après, tu dois courir derrière les autres. C'est quoi ce jeu? Et les toucher. Et si t'es en hauteur, eh ben, il peut pas te toucher. Ouais, il y avait aussi touche-touche plus haut. C'est pour les yeux, ça. Ouais, touche-touche plus haut. En fait, si t'étais plus haut que l'autre, tu ne pouvais pas jouer ou alors t'étais disqualifié. C'était ça, non? C'est ça. Et alors, après, plus tard, tu passes à touche kicking. C'est quoi ces conneries? Ah, pas dans notre femme. Mais c'est quoi ces jeux? T'étais du genre à kiffer l'école, toi, Nathalie? Non, non, j'étais, franchement, j'étais calme. J'étais une fille très calme. Franchement, il n'y avait pas de souci avec moi. Et tu as déposé tes enfants à l'école aujourd'hui ? Oui, je les ai déposés. Ça a été franchement un stress énorme parce que j'en ai 5. Et donc, j'ai mes deux filles. 5 Oui, j'en ai 5. J'ai déjà travaillé. Oh, bah, tu m'étonnes. Tu les as eues en même temps ou... Non, ah, ils sont pas rapprochés quand même. Donc, les deux filles rentrent en secondaire aujourd'hui. Et alors, j'en avais un qui rentre en première, en quatrième, Noah. Et ma petite dernière en troisième maternelle. Oh, je suis mignon tout plein. Et ça a été ? Il n'y en a pas un qui a pleuré, on aime bien nous ça. Non, non, cinq non, en même temps. François, il y en a aucun qui a pleuré, sauf quand Lola m'a vu, la petite dernière, là les larmes sont venues directement, c'était un ouf de soulagement. Et attends, mais t'as pas un de tes petits bouts près de toi là, passe-le nous. Si, Noah. Ah, yes, passe-nous Noah. Ah, Yannick parfait. Parfait, passe-nous Noah. Bonjour. Nathalie. Bonjour. Bonjour Noah. Bonjour. Ça va bien ? Oui. Ça a été l'école ? Oui. Et t'aimes bien ça? C'était cool? Non. Eh ben tu vas devoir retourner tous les jours. Pas de chance. J'adore la franchise, genre non, en fait j'aime pas du tout. Et les profs, ils étaient cool, Noah, avec toi? Avec toi? Oui. Ouais. T'as plusieurs maîtresses? À son âge, il est trop jeune. Eh, c'est quand même le seul endroit du monde où tu peux avoir plusieurs maîtresses, tu vois. Si tu dis ça plus tard en grandissant, c'est bizarre, hein. C'est qui ton professeur préféré, Noah? Madame Anglais. Madame quoi? Madame quoi? Anglais. Madame Anglais, oui, bah c'est anglais. Elle donne des cours d'anglais, je crois que c'est ça. C'est son nom ou un cours? Je sais pas, on ne le saura jamais. Noah, on te fait des gros bisous, bon courage pour l'école demain. Pour l'école demain. Merci. J'adore la petite sœur derrière qui veut s'en mêler. On vous fait des gros bisous, Nathalie aussi. Tu reviens quand tu veux avec toute ta petite famille dans la pioire. On aura du cadeau d'ailleurs dans un instant pour vous. On vous file vos fournitures scolaires. On vous explique comment faire pour choper le cadeau après les infos. Fun Radio. Fun. Parfait pour toute la famille. Un PC portable qui se transforme facilement en tablette. Quand c'est nouveau et c'est bien pensé, c'est chez Vandenborg. Vandenborg. C'est le son de Calvin Harris et Rihanna qui arrive dans un instant. Ce sera juste après les infos maintenant avec Carlo Morello. Bonsoir Carlo. Hello Audrey, salut à tous. Donald Trump, candidat républicain à la présidentielle US, vient de rencontrer le chef d'État mexicain. Une rencontre qui n'a pas dû très bien se passer puisque dès son retour au pays, Trump a martelé que le Mexique paierait la construction du mur qu'il envisage de construire entre les deux pays pour mettre fin à l'immigration clandestine et à l'arrivée massive de criminels et de violeurs. C'est comme ça que cet individu voit les immigrés, hein. Et à propos des clandestins, il a déclaré que s'il était élu, il n'y aurait aucune régularisation possible. Notre message au monde sera, et là je le cite, hein, vous ne pourrez pas obtenir de statut légal ou devenir citoyen des États-Unis en entrant illégalement chez nous. Fin de citation. Chez nous, justement, quelques petits changements en perspective dans l'administration wallonne. Des changements qui ne pourront que faire plaisir aux fonctionnaires concernés. Ça touche l'administration elle-même, ainsi que des organismes comme le Forem ou la Société wallonne du logement. Alors, primo, les plus de 60 ans qui font des boulots pénibles, genre ouvrier de voirie ou éclusier, ne bosseront plus que 4 jours semaine sans perte de salaire. De toute façon, vu leur taux d'absentéisme, ça ne va pas changer grand-chose. Et ce n'est qu'on va engager du personnel supplémentaire. Et une deuxième réforme vise plus de 1300 fonctionnaires qui se trouvent au plus bas de l'échelle barémique. Un échelon qu'on va supprimer en fait, hein, si bien que ces gens vont passer dans la tranche supérieure. Pour certains d'entre eux, bah, ça voudra dire près de 250 euros net en plus par mois. Excellent pour le pouvoir d'achat, donc pour l'économie. Des propositions qui vont être soumises au syndicat et on ne voit pas trop pourquoi ils diraient non. Hein. Il y a beaucoup question de rentrée scolaire aujourd'hui, mais en septembre, bah, cette rentrée concerne à peu près tout le monde, hein, y compris donc le judiciaire, avec notamment dès le 19 de ce mois, le début du procès en assises de Bernard Westphal, ex-député wallon, jugé pour le meurtre de son épouse Véronique Pirotton il y a près de 3 ans en Ostende. Même que d'après Le Soir et Sud Presse, le rapport de l'expert psychiatre accable ce dernier. La facilité, la conviction avec lesquelles M. Westphal invente des récits dont il sait que l'exactitude peut être facilement vérifiée sont remarquables. Voilà ce qu'on peut lire notamment dans le rapport de l'expert psychiatre. En d'autres mots, Bernard Westphal aurait une capacité extraordinaire à mentir. Bon, là, certains diront sans doute que pour un homme politique, c'est pas spécialement étonnant. Faut pas être mauvaise langue, hein, comme ça. J'en est-il que l'accusé conteste les conclusions de l'expert évoquant un examen mené sous le coup de l'émotion et des médicaments. Et puis la rentrée, elle concerne également les Diables Rouges aujourd'hui. Les Diables qui n'ont pas franchement réussi leurs examens de juin-juillet, abusés qu'ils ont été face au Pays de Galles lors de l'Euro 2016. Mais tous les espoirs sont permis pour la prochaine session de 2018, à savoir la Coupe du Monde en Russie, dont les éliminatoires débutent tout prochainement. Et ce soir, c'est l'Espagne que nos joueurs affrontent en amical. Le baptême du feu pour le nouveau sélectionneur espagnol des Diables, Roberto Martinez, qui a prévenu qu'il se fichait du résultat. Ce qui comptera, il dit, c'est l'engagement et la mentalité. Fun Radio. Commencez l'année scolaire du bon pied chez Shoe Discount. En ce moment, plein de prix super bas. Rendez-vous vite chez Shoe Discount ou sur shoediscount.be. Je vois tous vos petits messages qui arrivent là au 30-44, on parle des conneries qu'on faisait à l'école. Il y a un auditeur qui nous dit: j'ai mis une agrafe dans la main d'un ami et lors d'un exposé sur le système respiratoire, j'ai fait exploser un poumon de porc. Enfin. C'est énorme. Et Carlo, est-ce que parce qu'il y a plein d'auditeurs qui te voient comme quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de sain, quelqu'un de bien. Est-ce que t'as déjà fait une connerie à l'école? Fais-nous rêver. J'en ai fait plein. T'as montré ton zizi? Non, ça c'est chez Fun. C'est ça quoi. Non. À l'école, je me souviens, j'avais écrit sur un petit bout de papier, ouais. Maman, t'es une conne, et je vais donner ça à ma voisine en disant tu donneras ça à ta mère. Mais non. Voilà, et elle l'a fait. Et elle s'est fait engueuler. Et du coup, le lendemain, moi, je me suis tapé avec. Je me suis retrouvé avec 30 pages d'un truc à copier. Ah, c'est cher payé ça. Hey, les gars, ouais. Carlo est comme nous. Bon, avant de se faire le son de Calvin Harris et Rihanna, est-ce qu'on peut savoir comment ça va se passer côté météo demain, Carlo? Oui, il va faire beau, hein, aux alentours de 25 degrés, du soleil, donc voilà, tout va bien de ce côté. La prochaine rendez-vous info dans une heure, je vous laisse avec Audrey et le son de Calvin Harris et Rihanna. Salut. Fun. Yeah. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. avec nous sur Fun Radio. Il y aura le son de Lost Frequencies, c'est du belge. Beautiful Life. On va se reçu le son de Beyoncé avec Sean Paul, Baby Boy. C'est bon ça? Oui. Un petit souvenir, ça fait plaisir. On a reçu aussi plein de petits messages des conneries que vous faisiez à l'école. Et ben franchement, les gars, je vous verrai plus jamais de la même manière là de l'autre côté de la radio. Il y a un auditeur qui me dit en secondaire, je me suis fait virer du cours. Le prof a dit prenez la porte. Et donc je suis partie avec la porte. Et quelques années plus tard, je suis devenue menuisier. Bah ouais, c'est bien ça. Heureusement. Hey, mais j'avais une copine, elle avait fait ça aussi. Elle avait pris un tournevis. Elle avait déboulonné la porte et je l'ai cassé avec. Ça, c'est franchement faux aussi, hein, sérieusement. Non, mais il y a d'autres conneries que vous avez déjà fait dans l'équipe. T'étais dans une école, toi, ou dans une prison? Je veux savoir. J'étais dans une école. J'étais dans une école, limite, c'était l'armée, Notre-Dame, Villebasse à Charleroi, avec un uniforme, les gars. Qui dit mieux maintenant, hein? Wow. Mais moi, elle est malin, hein. C'est vrai, j'avoue. Est-ce que quelqu'un avait un uniforme ici autour de la table? Et moi, non. Moi, je devais aller en. Enfin, dans ma première école, j'avais allé en uniforme. C'était parce que c'était la prison. Non, mais sérieux, t'avais un uniforme? Ouais. Oh, après, c'était chiant, ça. Je devais être. On devait être habillé, en fait, on pouvait pas avoir de marque et on devait être habillé en bleu. Ah, et pas de basket, ouais, des tons bleu marine. Pareil, ou ouais. Ah ouais, le bleu marine. Mais laisse tomber, quoi. Et franchement, vous savez qu'à Charleroi, parce que l'école était dans la région de Charleroi, on nous appelait les pingouins. Mais non. Bah, qu'est-ce que tu veux, en été, t'étais les seuls cons à être habillés en bleu marine, faut pas déconner non plus. Il y a Cécile qui me dit par SMS aussi. Moi, ma prof m'avait prévenu que si on rendait une feuille blanche, on aurait un travail de vacances, alors j'ai éclaté une cartouche et j'ai rendu une feuille bleue. Tellement drôle. Oh là là, l'arrogance même, quoi. Moi, je c'est énorme. Quoi. Bah, tu m'étonnes. Bon, en parlant de l'école, les copains, on a prévu le coup, hein, pour tous les parents qui sont en galère là. Vous êtes peut-être en train de courir à gauche, à droite. Il faut tout préparer pour l'école. Il faut recouvrir les cahiers. Il faut avoir des agendas. Il faut avoir tout un tas de trucs que vous avez peut-être pas. Eh ben, nous, on vous file des bons de 150€ pour aller chez Buror. C'est un magasin Philippe Ville. Vous pouvez commander aussi en ligne, hein, si vous ne voulez pas aller jusque là, buror.be. Si vous voulez essayer de choper ces bons de 150€, allez-y. Vous vous inscrivez maintenant. Vous envoyez Happy par SMS au 6322 et on se fera un tirage au sort. Attends, je vous dis l'heure exacte. On va faire ça à 18h28, voilà. 28, hein. Bah oui, c'est bien précis ça. Bah oui, pile. Restez bien branchés sur Fun Radio. Il y aura plein de sons dance floor pour aller jusque là. On va se faire aussi potin et popotin. On va tout savoir sur les Black Eyed Peas. Mais avant ça, c'est parti. On se fait un souvenir. C'est bon ça. Beyoncé, Sean Paul, c'est maintenant sur Fun Radio. I know you dig the way me step, the way me make me stride. Follow your feeling, baby girl, because it cannot be denied. Come check me in at the night, I make her get it amplified. But if you run the ship, me now go slip, me now go slide. In other words, the love I got to give it certified. For giving it the toughest, longest time for ride. Girl, baby boy, you stay on my mind. It's a rock that girl. Joy found the town in a your drop top girl. You're not stop shop girl. Little more the dirty one, rock that world. It's a top top girl. Me and and you together is a rap that girl. Try found the town in a your drop top girl, in a stop shop girl. Little more than just you want rock that girl. Atta Anaya, Atta Atta Anaya, I know you gon' like it. I know you gon' like it. I'm stepping up, Atta Atta Anaya. I'm stepping up, Atta Atta Anaya. So don't you fight it. So don't you fight it. La première fois que vous l'avez entendu, c'était sur Fun Radio. Salut, c'est Lost Frequencies. Beautiful Life. Tous mes nouveaux titres, vous les découvrez en premier sur Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. No, you wanna go, I follow. Mountain high and river low, I follow. Franchement, la chanson de Lost Frequencies, elle me frustre à mort. Pourquoi ? Je sais pas siffler. Vous savez le faire, vous ? Bah oui, bien sûr. Vas-y. Ah ok, vous faites les malins comme ça. Mais par contre, moi je sais pas faire comme toi là, le truc de mec avec tes deux doigts en bouche où tu siffles et la vitre elle tremble. Ou tu mets la langue en pliage là. Ouais, ouais, mais t'es malade, je sais pas faire ça. Qui sait faire ça autour de la table ? Qui est du standard, c'est faire ça toi, non ? Je sais pas du tout. Non mais je sais rien. Fais-le. Bah oui, où tu mets les deux doigts dans la bouche, attends. Ah non, ça marche pas. Moi, enfin, j'arrive pas avec les deux doigts dans la bouche. Vas-y, avec un. Tu peux les mettre ailleurs si tu veux. Pourquoi tout de suite ça a l'air malsain, je te jure, c'est dégueulasse quoi. Bon, on va sur le son des Raïs Réfi là dans quelques petites minutes avec Manborn. Il y aura aussi du Quintino. C'est nouveau ça, j'ai l'impression que je parle de bouffe. Du Quintino, ah, ça oui, revient sur avec mayonnaise. Petit... Voilà, à table. C'est parti, Potin et Popotin maintenant dans la Power. Les stars, leurs aventures. Leur vie, le rêve quoi. Le tout raconté par Fab, c'est Potin et Popotin dans la Happy Hour. Excusez-nous mais on est encore en train d'essayer de siffler là. Ah ouais, il fait. Quand frère, j'arrive pas. Vas-y, vas-y. Ah ouais. Tu m'étonnes qu'il a pas besoin des doigts. J'avais jamais vu qu'il avait des dents comme ça devant. Elles sont un peu de travers. Là vous voyez pas Sandro mais il est en train de siffler avec sa langue et ses dents quoi. Hey, est-ce qu'il y a un auditeur qui sait faire le sifflet avec les deux doigts? Franchement, j'en cherche un. Si vous êtes capable de le faire, je vous file du pack fun. 30-44 pour vos messages. M'en fous, on se lance un petit défi. Bon, sinon, on était en train de parler des potins et popotins. Ouais. On a même pas encore commencé, mais bon, c'est pas grave. On a Christelle qui vient de Marcenal qui est là. Salut Christelle, comment ça va? Mais c'est que ça rime en plus. Ça va bien? Salut l'équipe, comment ça va? Carlo, bah ça va bien et toi? Ça va super. Je rentre du boulot là. Eh ben t'as la belle vie, hein. Tu bosses dans quoi, Christelle? Je bosse en pharmacie, je suis assistante. Ouh, c'est une intelligente. Bon, Christelle, on parle des potins et popotins avec Fab. On s'installe dans notre petit fauteuil, c'est parti. Fab, on t'écoute. Laissez-moi faire. Christelle, est-ce que tu aimes bien d'abord les Black Eyed Peas tout d'abord? Oui, franchement, eh bien, c'est ils sont... un groupe que j'aime assez bien. Voilà, eh bien, écoute, je suis content, Christelle, parce qu'en plus, ils sont de retour. Ils reviennent avec leur nouveau titre. Enfin, leur nouveau titre, Where is the Love, qui est une reprise de leur ancien titre, Where is the Love. Ils se sont pas foulés sur le nom, mais ils ont invité des potes à eux à venir pousser la chansonnette. Alors, dedans, t'as Usher, Mary J. Blige, P. Diddy, Jamie Foxx, Nicole Scherzinger. C'est la chanteuse. Quoi, ils chantent tous en même temps là-dessus? Non, parce que sinon, non, on les entend pas. C'est chacun leur tour, je pense. Ils font la file, en fait. Voilà. Attends, on peut écouter le nouveau Black Eyed Peas, s'il vous plaît bien. En exclu. Ouais, c'est parti. Ça, c'est Usher. Ah non. Mais non, c'est Will.i.am. Il chante vachement plus juste que pour la... le truc de la Coupe du Monde. Là. Oui, parce qu'il va doucement. Ah, c'est ça. Would you turn me other cheek again? Mama, mama, mama, tell us what the hell is going on. Oh non. Quoi? Oh no, no, no. Ça je vois quelle reprise ils ont fait là. Non, non, non, non, fallait pas toucher à cette chanson, hein. Bah c'est... leur chanson d'il y a 6-7 ans, en 2003. Oui, c'est ça, c'était à eux, c'était celle-là, la vraie. C'était eux, ça? Ah oui. Ah merde. Et en plus, moi, je me dis, c'est con qu'ils aient repris cette chanson, elle était vraiment bien. Non mais attends, c'est con ça. Donc ils ont pris une chanson à eux et ils l'ont refaite. Oui. D'accord, ils ont que ça à faire, les Black Eyed Peas, hein. Et ils ont pas changé le titre, rien. Mais même le refrain un peu, sans droit pour voir. Oui, parce qu'elle démarre à un moment donné où, En fait elle démarre plus que jamais. Et c'est un peu People living like they ain't got no mama. I think they're all distracted by the drama and attracted to the trauma, mama. I think they don't understand the concept or the meaning of karma. Where's the love? Overseas, yeah, they're trying to stop terrorism. Where's the love? Over here on the streets, the police shoot the people, put the bullets in them. Where's the love? Mouais. Moi, ça se laisse écouter, quoi. C'est ouais, bon, ouais, c'est pas du tout l'ancienne. Ouais, hein. Ouais. Non, c'est vrai. Christelle, tu kiffes, toi, ou pas? Franchement, je préférais l'autre première. La première version la reprise, ouais, la reprise. Ah, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'elle est vachement plus rythmée, quoi. Mais c'est pas pour la même chose, il paraît, hein. Bah ouais, non, non, j'ai vu que c'était pour les victimes des violences policières. Donc ça, la démarche, elle est cool. Ils ont fait une chanson exprès pour ça. Ça, c'est chouette. C'est pour adoucir les flics. Mais non. S'il vous plaît, arrêtez de nous tirer dessus. Mais non, Fab. Parce que ça fait mal, les balles. Et notre peau, elle est fragile. Ce mec est juste pas normal. Je ne cautionne pas du tout ça. Dis Christelle, par hasard, oui. Tu cherches pas un mec à la maison, toi? Je peux te filer Fab, hein, si tu veux. Ah non, non, j'ai tout ce qu'il faut chez moi. T'inquiète pas pour ça. Non mais Christelle, c'est gratuit. Ça va, t'emballe pas, hein, c'est gratuit, prévenir. Je te le donne. On te le livre. C'est cadeau, c'est de la part de Fun Radio, sérieux. Ah non, je vous le laisse. Mais même gratuit, personne ne veut de Fab, c'est énorme. Bon, ma Christelle, je te fais des gros bisous, bon courage pour ta soirée, tu reviens quand Est-ce tu veux. Est-ce que je peux vous faire une petite dédicace? Mais oui, vas-y, fais-toi plaisir. Eh ben, je fais une petite dédicace à tous mes collègues de la pharmacie de Liège, PharmaFort. Et je fais une petite dédicace aussi à tous ceux qui m'écoutent, mes amis, ma famille. Et juste pour vous dire que je vous adore et que vous êtes

17h-20h sur Fun Radio. Toi, tu dis, on n'a rien compris. Nouveauté. New Music. Découverte Fun Radio. Bon, dans quelques minutes, on va accueillir un auditeur qui nous a dit qu'il savait siffler avec ses 10 doigts. C'est Maxime qui vient de Namur. On se fera ça juste après une nouveauté. Maintenant, je vous ai calé Quintino sur Fun Radio. You only come and go when you feel like it. Been at it for a while, but you won't commit. This inconsistent love is messing with my head. Just ain't fair. You know I can't fight it. I can't fight it. Wanna put my hands all over your body. We'll be right back. Quintino sur Fun Radio. La suite, c'est avec Mo. Final Song, que ça se passe sur Fun Radio. Il y aura aussi du Kungs. Sandro, mets-moi une musique Audrey. De cowboy. Genre, je sais pas, un truc. Genre le truc. Cowboy, genre Far West. Ouais, genre Far West 2, il va y avoir un concours, genre bagarre, ça va pas se passer comme ça. Genre avec du vent, genre. Hollywood. Ouais, mais fais le foin. T'exagères toujours. Le foin. Mais non, je veux juste la musique de. T'as cru qu'on était à Hollywood ou quoi? Ouais, vas-y, fais péter. Et on est à Hollywood ici. Ouais, vas-y. Voilà. Ça, c'est bien. Il me fallait une musique comme ça pour accueillir Maxime qui vient de Namur. Salut Max. Bonjour Audrey, bonjour l'équipe. Wow, bonjour Michel. La grosse voix de fou. Lui c'est un vrai cowboy les gars. Toi t'es un gueudin. Ça va Max? Ça va et vous? Bah ouais, t'as quel âge Maxime? Bah très bien, écoute. Nous on est rentrés depuis deux semaines, on s'est fait arnaquer. C'est vrai. Maxime, c'est t'as quel âge? J'ai 29 ans d'expérience de sifflement. Oh là là. Comme ça. Et tu siffles après qui? Après le bus. Je siffle après tout le monde. Après tout le monde. Non mais si vous venez de vous brancher sur Fun Radio, on était en train de parler de nos, comment dire, de nos lacunes en sifflage. C'est-à-dire qu'il n'y a personne autour de la table qui sait siffler avec les doigts. Vous savez, vraiment le truc à la cool, quoi. Un bonhomme. Voilà, genre il n'y a rien qui sort chez nous. Et là j'ai reçu un petit message au 3044 de Maxime qui me dit: non mais attends, moi je siffle avec les 10 doigts. Ah ah. Alors Max, moi je veux bien te croire sur parole. Et c'est ça. On pourrait, mais attendez, on va pas te croire sur parole. Attends, stop, parce que je voudrais quand même vous rappeler un concept. On fait de la radio. Ouais. C'est-à-dire c'est qu'on n'a pas l'image. C'est-à-dire que Max, il mais peut nous dire qu'il siffle avec ses pieds et ses 10 doigts et les mains, la main du voisin dans la bouche. Mais attends, on peut pas vérifier. Mais Max, même s'il arrive à siffler avec ses 2 doigts, je le vénère, quoi. J'arrive pas, moi. Avec 1, 2, avec le pouce, tout ce que tu veux, il y a rien qui fait. Je peux tout faire. Non, Max, calme-toi. Ouais. On a reçu un SMS. Dis tantôt, une fois qu'on met des doigts en bouche, on se pose la question de où ça sort. Merci pour cette classe. On a reçu un SMS de Jamel Debbouze. Lui aussi, sait siffler de ses 10 doigts. Oh non. C'est petit, c'est ça. Sandro, il tente des choses, il est drôle. Hein, il tente des une choses. Autre question me taraude. Oui. S'il siffle avec ses 10 doigts, ouais. Comment il tient le téléphone? Alors, je me suis posé exactement la même question, parce que je sais pas du tout comment je vais vous faire tout ça. Non, bah écoute, tu te débrouilles, Max. Moi, tu m'as vendu du rêve par SMS. Moi, je veux que tu siffles avec tes 10 doigts. Tu te démerdes, hein. Ça va? Allez, vas-y, bah, c'est ouais. Bon, on est installé dans notre fauteuil, on t'écoute. Vas-y. Je peux mettre en parler? Ouais, vas-y. Ah, je savais pas pour voilà, ça. On commence. Voilà. Bravo. J'adore le spectacle a été énorme bah ce soir. Bah oui, franchement, heureusement que t'étais là, mec. C'est à un moment donné, on s'emmerdait et tout. On se dit, bon, à faire quoi? Ben voilà, Max est arrivé. Bim, Max. Boum. Bah, voilà. Max, tu sais je quoi? Je ne récupère qu'une lacune en plus de toi. Hein. Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est déjà ça. Bon, hé, hey, mon Max, tu sais quoi? Je te file un pack fun, rien que pour ta prouesse. Exceptionnel. Yeah. Ouais, c'est une paire de gants. Je te fais des gros bisous, Maxime. Hé, hey, c'est quoi ton programme la soir? Je vais jouer au bowling. Oh, monsieur va jouer avec les boules. Là aussi, tu mets tous les doigts dans la bille. Avec des boules, à défaut de jouer avec des doigts. Ah bah oh. On va te laisser là, Max. C'est hein. Sur cette petite touche de glamour qu'on va te laisser, mon Maxime. Allez, merci, je te au revoir. Fais des gros bisous. Arrêter, il est encore trop tôt pour tout ça. C'est ça quoi. Tu reviens quand tu veux, Max. Gros bisous. Avec plaisir. Bon, merci beaucoup. Le son d'Esplor continue maintenant sur Fun Radio. Il y aura Mo avec Final Song et puis juste après. On va prendre quelqu'un qui va repartir avec des fournitures scolaires. Si ça vous dit, allez-y, vous envoyez Happy par SMS au 6322. Bonne chance! Avec Fun Radio, passez une rentrée des classes de ouf avec votre MacBook Air d'Apple. Toute la semaine, écoutez Fun Radio sans arrêt. Dès que vous entendez 10 euros et Sound of Legend à la suite, c'est le double fun sur Fun Radio. Double fun. Double fun. Soyez le premier à envoyer Apple par SMS au 6322. 1 euro message et gagnez l'ordinateur portable ultra fin d'Apple, le MacBook Air 13 pouces. Ah là, vous me faites trop plaisir, je vous adore trop. La rentrée la plus high-tech, ça se gagne uniquement sur Fun Radio. Le son dance floor. J'aime donner de bonnes choses, des fruits, des légumes à mes enfants. Eh bien, un truc que tous les enfants aiment, c'est nos bananes, un petit. Oh ouais, ils en raffolent, monsieur Marc. Faut dire qu'ils sont extra. Oui, et bourrés de vitamines. Et en ce moment, même leur prix donne la banane. Ah, c'est vrai. Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, nos bananes Dole en vrac sont à seulement 1,49€ le kilo. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. La saison des festivals touche à sa fin. We want more, we want more.

Sinon, ça devient quand même un peu dur. Hein. Bon, direction Tahiti maintenant. On pourquoi va. Bah, aloha avec moi. Non, non. Ah, bah si, non, je l'ai non, fait. Non, non, ah, non. Si, si, non, si, j'ai osé. Va en prison pour cette jeu. Allez, dehors, s'il je te n'irai plaît nulle part. De... Peut-être que oh, par contre, j'irai rejoindre un auditeur demain à 7h, puisqu'il y a un auditeur qui nous envoie au 3044. Ok, merci pour demain, 7h. Bonne soirée. Bah, bisous à toi. Et c'est un job hyper important. Il doit répondre à son patron et le patron il n'aura oh pas le message puisqu'il l'a envoyé à nous au fait. Ah, j'espère que non. Hey, je sais pas pourquoi c'était ton message, mais si c'est le cas, sérieux, Fio, fais quelque chose. Hein. Bon, à 7h, on n'est pas là demain. Bon, oui, non. Après quelle heure? Mais je sais même pas. Mon réveil, il dit erreur. Si j'essaye de mettre quoi que ce soit avant 8h, ça va pas être possible quoi. Bon, on va voir qui va repartir avec ses fournitures scolaires dans quelques petites minutes avec l'Happy Game. Si vous voulez repartir avec des bons de 150€, allez-y. C'est la dernière possibilité de vous inscrire maintenant. Vous envoyez Happy par SMS au 6322. Avant ça, on va se faire le Vaché Time tous les matins entre 6h et 9h dans Bruno dans la radio. Oh, oh, oh, oh. La nouvelle émission. Bah ouais, c'est le nouveau morning de Fun Radio. Il y a un gars complètement ch'tarbé qui appelle les gens et qui ch'tarbé les saoule. Bah ouais, c'est une expression des années 60. Qu'est-ce qu'il y a? Il a fait quoi aujourd'hui, Vaché? En fait, il a appelé des gens qui s'énervent assez facilement. Bah du coup, ça fait rire Vaché. Du coup, il les énerve encore deux fois plus. Ah bah normal, on écoute. Allô? Allô? Oui, c'est qui? Oui, c'est qui? Hein? Tu veux que je te nique? Allô? Vous voudrez lui proposer le même modèle? Allô? Mais qui vous êtes? Aujourd'hui, Emmanuel Macron, merde t'es. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron, merde t'es. Bon, allez. Allez. Allô? Bon, allez, allez, allô? Qui c'est? Qui c'est? Hein? Qui? Hein? C'est pas si toi, là. C'est qui? Eh bon, c'est pas si ça, là. C'est qui? Bah, écoute, c'est un qu'on connaît. Non. Allô? Bon, écoute, c'est Jeanne qu'on connaît. Non? Allô? Va te faire foutre! Va te faire foutre! Allô? Allô? Oui, j'écoute. Oui, j'écoute. Allô? Qui c'est? Allô? Qui c'est? Tu sais toi? Tu sais toi? Ouais, dis-moi, tu sais t'es qui là? Ouais, dis-moi, tu sais t'es qui là? Tu sais t'es qui là? Qui c'est t'es qui là? Tu sais t'es qui là? Qui c'est t'es qui là? Tu sais t'es qui là? Qui c'est t'es qui là? Oh, dis-moi, con du cul! Qui c'est t'es qui là? Qui c'est t'es qui là? Qui c'est t'es qui là? Qui c'est t'es qui là? Qui c'est t'es qui là? Moi, bien, tu me casses pas les couilles! Énorme le Vaché Time, sérieux, il y a rien de pire je crois quand t'as quelqu'un qui répète ce que t'es en train de dire. Qu'est-ce que c'est énervant le Vaché Time, vous pouvez l'entendre tous les matins hein. C'est de la nouveauté là sur Fun Radio entre 6h et 9h dans Bruno dans la radio. Le Vaché Time, il sera de retour très vite aussi l'après-midi sur Fun Radio. Pendant ce temps là, nous ici on se fait môme avec Aloha comme promis. Et puis il y aura du cadeau, les fournitures scolaires, allez-y, vous vous inscrivez Happy par SMS au 6322, c'est ce qu'il faut envoyer, bonne chance. Envie de vivre une expérience incroyable? Dès la semaine prochaine, Desperados et Fun Radio vous offrent des places pour un festival extrême dans un vol zéro gravité à Las Vegas. Venez défier les lois de la gravité au rythme des Beats Dance Floor. Vivez-le grâce à Desperados et Fun Radio dès la semaine prochaine. Restez branchés. La teuf la plus extrême du monde. Vis-la avec Desperados dans un avion zéro gravité. Desperados, tequila flavored beer. Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse. La question du jour. De Pizza Hut, citez-moi 5 qualités du menu tout compris de Pizza Hut le jeudi. Une entrée, une pizza au choix, un dessert, une boisson de 10€. Exact. Aujourd'hui, dans les restaurants Pizza Hut, une entrée, une pizza au choix, un dessert et une boisson pour seulement 10€. Wow! I feel good. Basic Fit, c'est beaucoup plus que biceps et six-pack. C'est surtout se sentir bien. Et pour seulement 19,99€ par mois. Deviens membre maintenant, fais du sport gratuitement jusqu'au 1er octobre et reçois un sac de sport. I feel Basic Fit. Une rentrée des classes pleine d'énergie avec Lidl. Cette semaine, sur notre webshop, 40% de réduction sur l'appareil à smoothie. Soit 14,99€ pièce. Pour la rentrée des classes, préparez de délicieux smoothies à vos enfants. Parce que plus tard, les seuls fruits qu'ils mangeront, laissez les arômes de leurs bonbons. Uniquement disponible sur Lidl-shop.be. Lidl, pour tous ceux qui comptent.

La maison, on va vous accompagner jusqu'à 20h en mode happy hour avec le son de Tiesto et John Legend. Il y aura aussi du Madcon, Avicii pour suivre. Et puis la jolie Imani qui arrive dans quelques petites minutes sur Fun Radio, ça sera juste après l'Happy Game. L'Happy Game, c'est un jeu où tu peux gagner ou perdre, comme dans la vie. L'Happy Game, c'est la vie. Mais si, comme dans la vie, genre zen, dans l'église, quoi. Genre, oh, laisse tomber, hein, s'il faut expliquer, c'est que c'est pas drôle. Tu crois que la devise de l'église, c'est vraiment zen? Non, oui, c'est ça, parce que j'ai pas compris, mais dans une église, vous criez zen, la vie, c'est non, la vie zen. Non, j'y suis jamais allée. Oh, écoute, t'as qu'à y aller, tu vas te renseigner et tu nous diras comment ça se passe. Bon, on a Nathalie qui est là, qui vient de tourner. Ça va, Nat? Bonjour, ça va, merci, vous. Bah, écoute, ça se passe. Ça a été la rentrée? Oui, ça a été, j'ai repris le boulot aujourd'hui. Oh, on se trouve, t'es dégoûté de la life là, Nat. Dis, tu peux dire à ton chien de sauter deux secondes? J'avais quand même 3 jours de congé. Tu peux buter ton chien, s'il te plaît, 2 secondes? Pardon? Tu peux buter ton chien. Sandro veut que tu fasses du mal à ton chien. Mais non, petite bête. Bah oui, petite bête. Minou. Comment il s'appelle ton chien? Alors, okay. J'en ai un qui s'appelle Sanji, c'est un Jack, et j'ai Paco qui est un chihuahua. Mais lui, Paco, ferme ta gueule. On rigole, Nathalie. Bon, ouais. Mais quand même, Paco, ferme ta gueule maintenant. Nat, t'as joué pour essayer de repartir avec des bons de 150 euros chez Buror. Ouais. Bah, c'est pour qui que tu joues? C'est pour toi ou c'est. Pour Paco? Bah non, moi j'ai 4 fils, 4 garçons, donc ça sera toujours bien utile. Eh bah, 4 petits bouts, ça va être génial. Ils ont quel âge? Enfin, ils sont plus vraiment petits. Ils seraient contents de l'entendre. 11, 13, 15, 19. Eh ben si, ils sont toujours petits. C'est tout, c'est toujours voilà, tes petits garçons. Bien. Voilà. Oui. Nathalie, la première bonne nouvelle, c'est que tu repars déjà avec un bon de 75 euros. Bravo. Bravo, Nat. Les 75 euros, ils sont pour toi. Maintenant, t'as la possibilité de faire un truc. Est-ce que tu veux essayer de doubler ton cadeau, oui ou non? La pigue. Bah, c'est quand même tentant. Hein. Ah, ah, ça ferait quand et même 150 euros. Bah, et au cas où, si toutefois, on ne sait jamais, que je remporterais pas là le jeu, je vais pas 75 de toute façon. Hein. On peut toujours négocier. Ouais. Hein. Ouais. Ah, nombreuses de chiens et tout. Hein. Bah oui. Alors, qu'est-ce que tu fais, Nat? Je tente. Hein. Ah bah tu tentes, bah, c'est parti alors. La Big Game sur Fun Radio. C'est le seul jeu du monde où tu peux négocier ton cadeau. Bon, Nathalie, tu vas devoir affronter quelqu'un de l'équipe. Déjà, on va choisir le partenaire. T'as le choix entre le kéké du standard, Fab, Sandro ou Allison? Allison. Oh là là. Allez, c'est ouais. parti. Elle est toute joyeuse. Non, non. Elle est surtout très mauvaise. Je vais chercher moi, j'arrive. Bon, les filles, vous allez vous affronter au jeu du chiffre. Je vais penser à un chiffre. Chacun votre tour. Vous allez m'en balancer un et je vous dirai si à un moment donné, il y en a une des deux qui le trouve. D'accord? Ok. Ouais. Attention, je pense à un chiffre. C'est bon. C'est à toi, Nathalie. Vas-y. Entre combien et combien? Ah, mais je dis entre pas. Entre 1 et 10 000. Ah non, si, quand même. Alors, entre 1 et 100. Ah, 70. 100. Non, moins. 60. Moins. 50. Moins. 25. Moins. 15. Moins. 14. Moins. 12. Moins. 2. Plus. 4. Yes! C'est gagné! Yes! Ouais! On a un peu crié fort, je pense. Non, bah tu m'étais, 150 euros, il y a de quoi crier. Félicitations, Nathalie. Ah bah, eh bah, tu vas pouvoir aller chercher tout ce que tu veux pour 150 euros chez Buror à Philippeville. Bravo, nickel, Nathalie. Ça sera l'occasion de faire un petit tour. Merci beaucoup, en tout cas. Eh bah, de rien, ça nous fait plaisir. Tu reviens quand tu veux. Bisous à tes petits bouts. Bisous, okay. Nat. Et bisous à Paco. Hein. Merci. Ouais, surtout bisous à Paco. Je sais pas ce que tu lui as fait, mais il fait plus de bruit. C'est inquiétant. Oh, allez, ouais, dans un instant, c'est Tiesto et John Legends qui arrivent. Mais d'abord, on s'informe. Fun Radio. Fun. Parfait pour les étudiants, un PC portable qui se transforme en tablette. On peut aussi jouer ou regarder des films. Et avec le stylet, on prend des notes sur la tablette. Chez Vandenborg. Les infos après tout le monde sur Fun Radio à 19h02. Et bah c'est avec Carlo. Bonjour Carlo. Salut Audrey. Salut à tous. Plusieurs grandes banques ont décidé d'augmenter leurs frais pour compenser le manque à gagner du fait que les taux d'intérêt très bas rabotent leurs marges. Plusieurs grandes banques donc, mais pas Belfus qui vient de promettre de ne pas augmenter ses tarifs. Faut dire que la banque publique a fait un bénéfice de près de 250 millions d'euros au premier semestre et a attiré plus de 130 000 nouveaux clients depuis le début de l'année. Bon, il y a donc un sourire radieux, mais pas question pour autant d'augmenter le taux d'intérêt sur les comptes d'épargne. Non seulement on va garder le rikiki 0,11% minimum légal, mais Belfius estime que c'est déjà trop et compte bien négocier avec le politique pour que ça tombe à zéro. Parallèlement, la banque compte inciter ses clients à placer leur argent ailleurs que sur les comptes épargne. J'ai parlé de la rentrée des classes lors des flashs précédents, une rentrée qui a également concerné la France, où elle s'est effectuée sous haute surveillance. Vu la menace djihadiste que vous savez, plus de 3000 réservistes de la gendarmerie ont été mobilisés autour des quelques 64 000 écoles du pays. Il faut savoir que les profs sont parmi les cibles privilégiées des terroristes parce qu'ils enseignent la laïcité, donc ils sont ennemis d'Allah et en guerre ouverte contre la famille musulmane. Là, je reprends les termes utilisés dans la revue de propagande de Daesh. Un puissant typhon vient de frapper le nord-est du Japon, accompagné de pluies diluviennes, ce qui a provoqué la mort d'au moins 10 personnes, dont 9 dans une maison de repos qu'on n'a pas pensé à faire évacuer, visiblement. 17 habitants demeurent injoignables, ce qui ne signifie pas forcément le pire pour eux, et 1600 personnes sont isolées dans des lieux inaccessibles. En parlant de catastrophe naturelle, on sait que la fonte des glaces causée par le réchauffement du climat pourrait surélever le niveau de la mer de 2 mètres d'ici la fin du siècle, ce qui forcément conduirait à la submersion de vastes pans de territoire et de nombreuses îles. Mais paradoxalement, en 30 ans, la Terre a gagné en superficie l'équivalent de 2 fois la Belgique, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour autant, parce que c'est dû à l'assèchement de lacs et de fleuves. Par exemple, la mer d'Aral, en Asie centrale, elle est pratiquement asséchée aujourd'hui, alors qu'autrefois, c'était l'un des plus vastes lacs de la planète. Un petit tour à New York, enfin, on se dispute l'US Open de tennis. 2 grosses surprises ont eu lieu la nuit dernière. Le Canadien Milos Raonic, 6e mondial, a été sorti dès le 2e tour par l'Américain Harrison, qui n'est que 120e à l'ATP. Mais chez les dames, c'est l'Espagnol Muguruza qui a été éliminé prématurément. La 3e mondiale, victorieuse à Roland-Garros, a perdu contre la Lettonne Sevastova, 48e à la WTA. Pour le reste, rien à signaler de bien spécial. Sinon, mais ce n'est pas une surprise, que Steve Darcy a perdu contre l'Américain Isner en 4-7. Fun. Fun Radio. Les Woofies reviennent chez Shoe Discount. Ces chaussures de qualité pour les enfants, approuvées par les podologues. Achetez-les et recevez un bojo de pluie gratuit. Ça, c'est bon à savoir. C'est le dis-moi pas que c'est pas vrai qui arrive dans l'émission et je peux vous dire que je vais vous poser une colle les copains. Il sera question de Facebook, on se parle de tout ça juste après la météo, Carlo. Et encore une belle journée derrière saison estivale demain avec des températures qui frôleront, voire atteindront les 25 degrés. avec beaucoup de soleil. À tous une excellente soirée. Je vous retrouve demain à midi. Je vous laisse en compagnie d'Audrey et du son de Tiesto et John Legend. Salut. Fun Radio. Si Rémi avait fait appel à l'Happy Hour, il lui aurait sûrement trouvé une famille. En cas de problème, un seul numéro, celui de l'Happy Hour avec Audrey. 17h-20h sur Fun Radio. I see you in my head. You ain't like the rest. You ain't bringing me down, baby. You're right next to me. We're making history. The sun's about to go down, baby. Avec Willy William. C'est ce qui arrive côté Standing Floor. On va se faire aussi Avicii. Mais d'abord, c'est Dis-moi pas que c'est pas vrai, dis. C'est vrai? Dis-moi pas que c'est pas vrai. Toutes ces questions que vous vous posez depuis tout petit, sans jamais avoir de réponse, grâce au Dis-moi pas que c'est pas vrai, c'est fini. Ah ah ah. Et aujourd'hui, je vous ai trouvé une de ces colles. Oh là là, mais je suis trop fière de moi. Sérieux, vous allez galérer d'une de ces forces, ça va être énorme. À votre avis, la question du jour est celle-ci. Attention. Est-ce que vous savez pourquoi Facebook, tout le monde connaît Facebook, tout le monde voit ce que c'est. Oui, un petit peu quand même, ouais. Et ben pourquoi Facebook a toujours été bleu et blanc? Bleu et blanc. Ah, c'est vrai qu'ils ont jamais changé les couleurs. Ah, fais-moi les malins. Et si vous avez une idée de l'autre côté de la radio, allez-y, 3044 pour vos messages. Hein. Alors, autour de la table, est-ce que quelqu'un sait pourquoi Facebook a toujours été bleu et blanc? Bah, juste pour faire chier les autres couleurs. Ouais, ça aurait pu. Non. Mais non, c'est pas ça. Mais je sais pas si tu remarques, mais Facebook, en fait, il n'y a pas vraiment de design. Il y a juste une bande bleue au-dessus et basta. Ah, mais il y a une raison bien particulière à ça. Pourquoi est-ce que c'est juste en bleu et blanc? Alison. Je t'en pose, moi, des questions à la con. Moi j'aurais pas aimé chef, comment elle t'a parlé? José chef, je m'excuse. Attends, je réfléchis. Moi j'aurais pas aimé. José. Elle t'a chauffé. Tu elle vas laisser ça impuni. Non, la meuf, elle vient d'arriver dans l'émission. C'est de ton autorité qu'il est question, André. Fight. Elle t'a pissé dessus, t'imagines. C'est moi qui vais lui pisser dessus. Ouais. Va chercher le caméscope. Le caméscope, ça va le vieux? C'est pas comme ça qu'on dit, mais non. Non, c'est non, pas non. Comme ça. Allison, tu sors. Oui, maman. Tu sors. D'accord, maman, je m'en vais. Je t'appelle non, maman. Appelle-moi comme tu veux. Non, tu sors vraiment. Hein. Elle lit le truc. C'est tu trop, sors. C'est trop soft. Hein. Tu veux lui faire quoi? Bah, aller chez tes pieds. Oui, non, ça va ou quoi? S'il te plaît. Tes pieds. Ah, j'ai pas mis de chaussettes. Je suis restée longtemps dans les chaussures. Ah, ah non, non, non. Allez, allez. Non, allez. Non, non, on va la faire sortir. Vas-y, sors. Pendant combien de temps? Et baisse les yeux, non, je rigole. Pendant combien de mois? Pendant la fin de l'émission, vas-y, dégage, casse-toi. Allez, c'est moi aussi. Quand elle fait ouais, elle est sortie. Ouais, ouais, ouais. On a gagné. C'est un grand pas pour l'homme. Ouais. C'était pas ça la phrase. Non, c'est pas grave. Non, ce qui est bien, c'est que je vous explique vite fait en deux mots les coulisses de l'émission. Ça fait des mois qu'ils veulent se débarrasser d'Alison. Et là, Alison qui est sortie du studio. Ouais, mais c'est, bah voilà. We did it. Ça y est, ils sont en train de péter un câble. Bon, et sinon... Elle est sortie. Non, mais ça va. Bon, du coup, personne n'a trouvé ma réponse. Tout le monde s'en fout, en fait. Si, moi, je sais. Ah, c'est parce que c'est les couleurs de la Grèce. Et Marc, il savait qu'elle allait faire faillite et qu'il allait la racheter. Non, c'est pas pour ça. Kéké du standard. À ton avis, pourquoi? C'est pas parce que Marc, il est fan de l'Olympique de Marseille. Mais oui, c'est ça. T'en as pas d'autres, des conneries, ça. Bah, bon, Sandro, allez, essayez de trouver. Je m'en fous. Je bouge pas d'ici tant que vous me donnez pas la réponse. J'en sais rien. Moi, c'était la couleur la moins chère sur Internet. Peut-être bien. J'ai juste mon dire. Non, c'est pas ça. C'est pas par rapport à un prix, non? Non, c'est pas un prix non plus. Non, non. Bon, bah, vous savez quoi? Faire un truc. Vous de l'autre côté de la radio. Vas-y, vas-y, balance, ça y est, une dernière chance. Est-ce parce qu'ils ont copié Twitter? Non, c'est pas ça. Twitter, ça arrive après en plus, non? C'était qui en premier? C'était Facebook avant. C'était Facebook avant, donc ouais. ça dépend dans quel pays, parce que chez nous, Twitter, il a toujours du mal à arriver. Tu m'étonnes. Bon, on va faire un truc, parce que vu que dans l'équipe, ils sont pas très fuite-fuite sur le coup, en même temps, tout le monde n'est pas censé savoir la réponse. Pourquoi est-ce que Facebook a toujours été bleu et blanc? Je vous jure qu'il y a vraiment une raison à ça. Quand vous allez savoir ce que c'est, vous allez me dire, mais what? Tout ça pour ça? Allez-y, 30-44 pour vos messages. Celui qui me trouve la réponse, je lui file du cadeau Fun Radio. Côté son dance floor, on aura du Avicii dans un instant. Avant ça, c'est Matt Cohn. Welcome. Yeah.

Avant ça, c'était le dis-moi pas que c'est pas vrai. Bon, on vous a posé une petite colle dans l'émission. On vous a demandé pourquoi, à votre avis, Facebook était de la couleur bleue et blanche. Pourquoi ça a toujours été bleu et blanc? Il y a vraiment une raison. Alors, on a reçu plein de petits messages au 3044, parce que dans l'équipe ici, c'est un petit peu galéré. Ils donnaient plein de réponses, mais jamais la bonne. Alors, on a Céline qui est là, qui vient de Liège. J'ai comme peut-être une bonne réponse. Salut Céline, comment ça va bien? Ça va, et vous? Ah, t'as pas l'accent, c'est pas drôle. Non, je m'entraîne en fait. Ah, non, mais tu vas faire une rechute à un moment donné. Hein, tu sais, ça... Ah, sûrement. Arrête de nous arnaquer. Céline, à ton avis, pourquoi Facebook, c'est toujours bleu et blanc? Oui, en fait, c'est parce que donc Marc, il est daltonien et en fait, c'est les deux couleurs qu'il voit le mieux. Donc, c'est pour ça qu'il a choisi ces couleurs-là. Bravo! Ouais, bravo! Bravo. Et juste ça alors? Bah ouais, juste parce que Mark Zuckerberg, le créateur du site, était daltonien et donc il a mis le bleu et blanc parce que c'est les seuls trucs qu'il voit correctement. Donc voilà. Donc jamais Facebook pourra avoir d'autres couleurs quoi, juste à cause de Mark. Et bah bravo, hein. Que ce soit racheté tout de suite. Céline, félicitations. Tu vas repartir avec du cadeau Fun Radio. Tu raccroches pas, comme ça on prend tes coordonnées aux antennes, d'accord? Ça va, ok. Hey, super, merci. Tu vas faire quoi, Céline, ce soir? Oh, rien, je vais me reposer un peu, je vais regarder Secret. Hein. Ah, Secret Story. C'est qui ton candidat préféré, Céline? Oh, j'en ai pas vraiment encore un, il faut laisser le temps là, je sais pas encore. Moi j'aime bien celui avec le beau gosse, là, avec, il fait tout le temps attention à ses cheveux. Beau gosse, Darko. Ah, Darko, voilà. Il est bien lui, hein, non? Il a l'air bien. Ouais. Il est mignon, ouais. C'est déjà ça, il y a quelque chose à regarder quoi, il a tablette de chocolat et tout. Mais il drague tout le monde par contre, j'ai vu ça, c'est vrai, ça m'énerve. Ouais, mais moi c'est plus les filles que je préfère hein, là-dedans. Ouais, mais je t'ai pas demandé. Non. Céline, je te fais des gros bisous, tu reviens quand tu veux, d'accord? Ça va, super, merci, bisous, c'est bisous. Bisous, bonne soirée. On va sur le son d'Imani maintenant, c'est parti dans le Bisou Chai. Il y aura du DJ Snake et Justin Bieber. Et alors, si vous avez toujours rêvé d'aller à Las Vegas, eh ben, oui, peut-être oui, bien oui. Que j'aurai un truc qui va vous plaire, restez bien là. Salut, c'est Bruno. On fait l'appel? Christina présente. Karina, Mika et Anto du JPI. Présent. Rocher, présent, frère. Meryl. Nicolas du web. On est là. Fonf, je suis là aussi. Salut, c'est Louzman. Elliot. Et ouais, je suis là. Réveillez-vous avec l'appel de Vacher. Le JPI, le choc des générations, le paiement de vos factures et du son dance floor. Depuis le 29 août, Bruno dans la radio. 6h-9h sur Fun Radio. Hey, c'est encore moi, Hip. J'ai entendu tout ce dont vous avez besoin pour la rentrée. Ça fait hyper beaucoup. Heureusement, dans votre hypermarché Carrefour, vous trouvez les meilleurs prix garantis sur des centaines de fournitures scolaires. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, bam, on vous rembourse 5 fois la différence. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Oui. C'est le moment de leur dire oui. Oui à Disneyland Paris. Réservé pendant les jours du oui, avant le 29 septembre, pour bénéficier de jusqu'à 30% de réduction sur votre séjour. Et en plus, le séjour est gratuit pour les moins de 12 ans. Réservé chez Jet Air Center, votre agent de voyage, ou sur jetair.be. Ici la voix. Soyez les bienvenus dans Secret Story. Secret Story, la quotidienne, c'est du lundi au vendredi avec Julie Taton et Christophe Beaugrand à 18h50 sur Plug RTL. C'est tout pour le moment. Plug RTL. Dance floor. Fun. C'est Fun Radio. Fun Radio. I like crashing waves, but I wanna see them at first light after a long night. And see the sky take shape, but I wanna see the stars burn after I had my turn. And oh, you're working so hard, you played your card, so what's the payoff? And oh, big talk is cheap, you gotta go deeper than deep to get me off. I'm in control. Don't you know I want it all? Put your hands together.

Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you. Let me love you. Oh, qu'est-ce que c'est beau tout plein. DJ Snake avec Justin Bieber. On va enchaîner avec Martin Solveig. Il y aura aussi du Ken Jones et puis Alex Germis du Belge. Tout ça, ça arrive dans quelques petites minutes sur Fun Radio. La teuf la plus extrême du monde. Villa avec Desperados dans un avion zéro gravité. En même temps, la seule radio où tu fais la teuf non-stop pendant toute l'année, bah, c'est la Fun Radio. Et ouais, on va vous le prouver encore une fois puisque là, on vous propose un truc mais de malade. Un truc de psychopathe qui n'a jamais été fait grâce à Desperados et à Fun Radio. On vous envoie à Las Vegas, les copains. Las Vegas, bon, ça. La ville du jeu, la ville de la démesure, du la ville vice, de la folie. Du péché, voilà. Des femmes, de l'argent, des déos. Oui. Vous allez pouvoir faire les 400 coups à Las Vegas grâce à Fun Radio et Desperados, puisque une fois arrivé sur place, vous allez avoir accès à toutes les plus grandes discothèques de Las Vegas. Vous allez être les VIP, en fait. Ça va être un truc de malade. Et en plus de ça, vous allez pouvoir participer à une expérience unique au monde, puisque vous allez aller dans un avion à gravité zéro. Vous voyez ce que c'est? Zero gravity. Yeah. En anglais, ça le donne vachement mieux. En fait, en gros, l'avion il décolle. Et puis quand vous êtes dans les airs, à un moment donné, touf, eh ben il coupe les moteurs. Et en fait, la chute libre comme ça fait en sorte que vous êtes un peu en apesanteur, comme si vous étiez sur la lune. Excuse-moi, tu vas faire tous les bruitages de ce que je raconte. En fait, c'est juste pour les aveugles. Au secours. Bah merci de penser à eux, Sandro. Ça fait. On applaudit Sandro. Bravo. Bravo Sandro. Bravo. Sandro a un cœur. Sandro est un homme généreux. Ça fait plaisir. Bon, hé. Il raconte nawak le mec, hein, sérieux, je sais pas ce qu'il fait dans l'équipe celui-là, je vais réfléchir un peu quand même pour la saison. Bon, si ça vous dit d'essayer de repartir avec ce chouette cadeau, franchement ça va être de la pure folie, vous êtes vraiment des chanceux. Un petit conseil, restez bien à l'écoute de Fun Radio, toute la semaine prochaine, ça peut tomber à tout moment. Ah ben voilà, c'est de la musique, on y est déjà. On me prévient pas, moi on me dit voilà. Bon alors, qu'est-ce qu'on va écouter? On va se faire Ken Jones, il y aura aussi Alex Germis. Et puis du cadeau encore, avec des fournitures scolaires si ça vous dit de repartir avec. Allez-y, vous vous inscrivez maintenant. On fera un petit tirage au sort après le son de Martin Solveig qui arrive maintenant. Vous envoyez Happy par SMS au 6322. Bonne chance tout le monde. Cross the line, show me yours, I'll show you. Merci d'écouter Fun Radio, la suite du son Dance Floor. C'est avec Ken Jones que ça se passe. Don't Mind. Il y a aussi Alex Jeremy, Soprano, le nouveau là, qu'on vous a fait découvrir en premier ici sur Fun Radio. Et à partir de 20h, c'est parti pour la nouvelle émission de Feu de Dieu, dit comment dire. C'est Fun Radio Connected avec Dylan. Ça oui, va, Dylan? Avec Dylan et avec une odeur un peu particulière. Vous me laissez à chaque fois le studio avec une odeur d'effort. Mais on t'emmerde, c'est ça. Mais en fait, je pense que c'est parce que je suis trop près de Sandro. Et c'est bien cette petite touche de caliente quand tu dis Sandro. Sandro, j'ai mangé les spaghettis. Boulette de la mame. Exactement. Dylan, tu sais, Sandro, c'est un bon belge. Donc tu veux dire Sandro. Attends, et un jour, je vais vous inviter chez moi. Bon, l'appart est pas grand, mais je dois vous faire goûter ma bolognaise. Oh, monsieur, la bolognaise de, ouais, la bolognaise de l'italien avec le petit basilic, tout ça. Des gens mettent pas de basilic dans une bolognaise. Ah oui, c'est vrai, je suis pas le seul italien ici. Fab est italien aussi. Donc, attendez, ça va, battle de bolognaise ici en direct sur Fun Radio. Si quelqu'un écoute l'émission, est-ce que vous pouvez me dire, parce que je suis pas une spécialiste de la bolognaise, mais est-ce que oui ou non, on met du basilic dans une bolognaise? 30-44 pour vos messages. Allez, défendez. On est d'accord, Fab, tu mets du ketchup dans la bolognaise. Attention, ouais. Je vais me faire défoncer. Je le dilue avec de l'eau et puis je mélange. Voilà. Et pourquoi on met pas, et pourquoi on pourrait pas mettre de la basilic? Tu peux en mettre, après tu peux faire ce que tu veux, tu vois. Tu peux rajouter des champignons et du jambon si tu veux. Mais c'est plus de la bolognaise. Hein Fab, est-ce que tu connais l'astuce de la carotte? Et ça c'est vrai par contre. Fais attention à ce que tu vas dire. Non, mais c'est ça. Tu prends une carotte fraîche, non utilisée, tu la découpes et tu la mets, en fait ça enlève l'acidité, comme une feuille de laurier. Dis ça va Maïté. La recette de la bolognaise. On est en train de nous faire une recette de cuisine en direct sur Fun Radio. Je crois que c'est une première. Tu vas faire ça dans ton émission à partir de 20h? Non, absolument pas. On peut passer des messages de cuisine, pourquoi pas. Mais c'est l'idée. Fun Connected, Fun Radio Connected, 20h-22h avant le Before Party Fun. Et je prendrai les platines aussi ce soir. Oh, monsieur va mixer. Dylan, il mixe comme un dieu, les copains. Les carottes, je sais. Les carottes, c'est... Non, mais ça, je veux pas savoir ce que tu fais avec tes platines, Dylan. Ça me regarde pas. Vous voulez savoir si Dylan va mixer avec des carottes ce soir? Eh ben, rentre à partir de 20h. Sur Fun Radio, Dylan, on te fait des gros bisous. Ouais, on te retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure, 20h. On te fait des gros bisous. Bise. Et pour le moment, tout le monde est un peu dans le camp de Dylan. On peut mettre du basilic, Fab. Tu racontes n'importe quoi. Ah, merci. Ouais, je suis désolée, c'est comme ça. Et ouais, bim, bam, boum, bam. Je ne dirai rien. Salut, Fab. Ciao, salut. En vous remerciant d'être là, merci d'être toi. Dylan, à tout à l'heure, à partir de 20h pour Fun Radio Connected. On va sur le son d'Alex Jarmis dans quelques petites minutes. Et puis, on a toujours des fournitures scolaires là à vous filer. Allez-y, vous vous inscrivez, vous envoyez Happy par SMS au 6322. Tirage au sort après Ken Jones. And telling me that you say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mada. Then she says, I pass it. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mada. Then she says, I pass it. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love them all. African American, for sure. I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, fuck he gon' say? Hey, telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mada. Then she says, I pass it. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mada. Then she says, I pass it. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love them all. She from Africa, but she fuck me like she Haitian. Ass black, but the miles looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candy camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina. She from Arizona. Then I met a girl in Cali. I never disown her. She got that high grade. Her weed come with diplomas. I want her, but she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mada. Then she says, I pass it. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love them all. said, konnichiwa, quoi. She said, bon, that's my French. I said, bonjour, my dog. Then she said, ça passe. And I said, nah, boule. No matter where I go, go, you know I love them all. She said, hola, come on, stop. She said, konnichiwa, quoi. She said, bon, that's my French. I said, bonjour, my dog. Then she said, ça passe. And I said, nah, boule. No matter where I go, go, you know I love them all. She said, hola, come on, stop. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my dog. Then she says, I pass it. And I said, I boule. No matter where I go, go, you know I love them all. C'est du belge qui arrive pour la suite du son Dancefloor maintenant sur Fun, Alex Germis. Soprano, si vous êtes fan, restez bien là. C'est le nouveau que je vous ai calé pour la suite. Ça sera juste après le top 3. Il y a des gens dans la vie qui font des choses utiles. Ah, merci beaucoup. Et puis, il y a lui, Fab. Il s'amuse à faire des tops qui servent à rien. C'est le top 3 sur Fun Radio. Bon, hey, je vous avais dit qu'on allait vous filer vos fournitures scolaires. C'est pas faute d'essayer d'appeler. Vous confirmez la kéké du standard et Alison. On donne tout ce qu'on a et personne qui répond. Et 5 répondeurs en l'espace de la musique. Ouf, de trucs de fou. Hein. Mais est-ce quand vous jouez, répondez. Vous êtes dégueudant quand même au standard. Non, ça faut pas déconner. Non, mais franchement, vous savez quoi, du coup on en refilera plus demain. Faudra les liquider parce que demain c'est le dernier jour de l'émission. D'ailleurs, demain soyez bien là puisque DJ Joss sera notre invité. Il va nous apprendre à mixer et en plus de ça, il va ouvrir une école de DJ. Donc si vous intéresse, si vous avez toujours rêvé de devenir DJ, soyez bien à l'écoute de l'émission à partir de demain. Avant de vous quitter, on va faire le top 3. Un top 3 de quoi aujourd'hui Écoute, aujourd'hui, même si tu voulais faire semblant de pas le voir, tu pouvais pas. C'était la rentrée scolaire. Ah, tu m'étonnes. J'ai allumé mon Facebook. Sur Facebook, c'était lourd. Voilà, j'ai vu au moins 1 million de photos d'enfants avec des sacs à dos devant une école qui était là occupée à poser et les mamans derrière. J'ai envie de vous dire à ces gens-là qui postent des photos de leurs enfants, n'oubliez pas que quelque part dans le monde, il y a un vieux monsieur tout nu qui regarde ces photos. Et pour lui, le premier jour de la rentrée scolaire est le plus beau jour de l'année. Et après, je me suis imaginé si j'avais des gosses. Oh, moi, si j'avais des gosses, j'aurais pas fait des photos. Moi, j'aurais fait des blagues. Je les aurais déposées à l'école, tu sais, quand ils rentrent en première primaire. Et j'aurais fait des blagues pour les traumatiser. Et puis, je me suis dit, je vais faire un top 3 des phrases de ne surtout pas dire à un enfant le jour de la rentrée scolaire. Numéro 3. Bon, écoute, papa et maman vont peut-être avoir un petit peu de retard ce soir parce que pendant que toi t'es à l'école, nous on va aller à Euro Disney, ok? Mais surtout, si tu restes devant l'école, tu bouges pas et t'attends pour vite. C'est dégueulasse. Numéro 2. Tu vois, tous les légumes verts que t'aimes pas manger à la maison, eh ben eux, ils vont te les mettre tous les midis à la cantine. Bim! Les 5 fruits et légumes, tu vas les bouffer, mon grand. Numéro 1. Bon, fiston, à l'année prochaine, surtout t'es sage, t'oublies pas de nous écrire et tu nous appelles de temps en temps. Salut! Et puis tu pars en courant, tu laisse devant l'école. Énorme, c'est sur ça qu'on va se quitter les copains. Merci d'avoir écouté l'émission. On se donne rencard à partir de demain 17h-20h avec DJ Joss qui sera notre invité à 20h. Là aujourd'hui c'est Dylan qui prend le contrôle de Fun pour Fun Radio Connected. Et pour aller jusque là, c'est Alex Germi, c'est le nouveau soprano que je vous ai calé côté son dancefloor. Est-ce qu'il est bon celui-là? Wouh. Allez, c'est en feu qui débarque sur Fun Radio. Il y aura aussi du Félix Jane. À demain. À demain. Salut, c'est Maître Gims sur Fun Radio. Fun Radio présente Maître Gims en concert. Samedi 10 décembre, Maître Gims va enflammer la scène de Forêt Nationale à Bruxelles. Le leader de la section d'assaut qui a déjà écoulé plus de 2 millions de disques revient en Belgique pour une date unique. Maître Gims, en concert le 10 décembre à Forêt Nationale avec Fun Radio. Place en vente sur sherpa.be. Plus d'infos sur funradio.be. La radio de Maître Gims, c'est Fun Radio, le son Dance Floor. Dans un monde qui change, vos achats online ne vont pas attendre la carte de... Papa ? Oui ? Je peux prendre ta carte ? Non. Vous avez entre 18 et 28 ans ? Découvrez notre offre Hello4You gratuite avec une carte prépayée pour vos achats online. Plus d'infos sur notre site ou dans l'agence la plus proche. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change. Maman ! Tu sais, chez Disneyland Paris, ils font les jours du oui. Ah oui ? Alors on se demandait si t'allais dire oui. Oui. T'es sûre ? Oui, oui. Parce que parfois tu dis oui et puis... Oui, oui. T'es sérieuse là ? Oui. Oui, youpi ! C'est le moment de leur dire oui. Oui à Disneyland Paris. Réservé pendant les jours du oui avant le 29 septembre pour bénéficier de jusqu'à 30% de réduction sur votre séjour. Et en plus, c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Réservé chez Jet Air Center, votre agent de voyage ou sur jetair.be. Fun Radio. Fun Radio. International et la connexion. Kiss Cam. Youssoufa est dans la maison. Devant. Les filles, faites bouger la fête. Faites bouger la fête et la tête de tous les garçons. J'ai dit, faites bouger la fête.